Dans les toilettes, je me bats contre le meilleur rappeur de la planète. Je bats avec moi-même, laisse-moi faire. Lève ta main si t'as déjà regardé les autres pour savoir quoi être. Maintenant baisse ta main et baisse ta tête. Fuck ceux qui soi-disant dit le de la scène. Outils jusqu'au lacet, t-shirt de la scène. La cam, tu rêves tous devant de jeunes craquettes, la ramène. Comparé à eux, je suis putain de parfait. Juste en rappant devant toi, mille juste de l'admettement. Pas les couilles de tout, et il faut que tu l'acceptes. Genre de gars à venir en date avec des claquettes. Yo. Fuck les clones lobotomisés par les propos télévisés qui sont récités. Par des grands robots téléguidés, contrôlés par les homos. Contrôle la création de porno de petites filles et du prolo codéiné. Fuck, font un seul dieu. Que la mif comme les juifs. Que la mif comme les incestueux. 4ème année de collège. Cutter dans la trousse basse, 13 rap à côté de la fenêtre qui vont s'affouler. Ils sont pas si inaperçus qu'un mon meurtre dans la pousse. Moi je laisserai ma trace comme un humeur dans la boue. Le soir cherche des meufs sur Coco qui manie aussi bien les boules que Google. Poto, je m'en fous que les homos sans tu loupes. Ça porte mes propos et puis de dire quelques gros mots sans but, sans céder à l'autocensure. Jamais, je commencerai à vous écouter comme mon pote. Sa foi ne mangera du porc. Je suis pas genre de mec à deux bords dans les salles de sport. Donc si tu veux des sons pop de merde, écoute Mac le mort.